D'après le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, l'Action nationale contre la disposition de Saad, le comité de lutte de Songju contre la disposition de Saad, le comité de mesure des citadins de la ville de Kimchon contre la disposition de Saad et le comité de mesure urgente de défense du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won ont tenu en commun le 31 décembre de l'année dernière un meeting d'action urgente pour la démission de Park Geun-hye et l'arrêt de la disposition de Saad.